On est amoureux de la vie, pour ça qu'on est fou. Tu sais, moi j'ai pas mauvais fond. Oui, j'ai joué avec le shit, la peuf, pendant qu'elle tapait la foutre. Et toi, ça dit quoi, ma belle? Sa cœur, j'ai ravalé ma bile. On cherche le sucre comme une abeille. Tous mes natchés sont tous sapés. Le crime, c'est pas beau, mais sapé. Y'a pas d'échappatoire quand j'ai la tête prise. J'attends pas que ta sorcière m'appelle. Tends-moi la main, j'ai lâché prise. C'est facile, y'a rien à envier. J'suis sapé en Dior. J'me rappelle pas d'hier. J'suis dehors ou dans ton Dior. Depuis qu'on est petit, on traîne. Des drogués sont tués au crack. 3 heures, j'ai pété la craie. Comme des fous, on vit sans regret. Je veux que maman soit fière de moi. Chaque jour, mon natché, c'est la folie. J'vis sans savoir ce que je vais faire demain. Yeah, yeah, yeah, yeah. Obligé de rouler avant de m'endormir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Obligé de rouler avant de m'endormir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Le pollen, le shit, la matière. Les billets, le B9 m'attirent. Plus mature, finir locataire. Avoir peut-être plus grand chose à se dire. Petit fait des cambriolages. Je casse de l'appart en rigolant. Dans le fond du club, fais un collage. La tête si elle devient collant. C'est facile à rien envier. Je suis tapé en Dior. Je me rappelle pas d'hier. Je suis dehors ou dans ton Dior. Depuis qu'on est petit, on traîne. Les drogués sont tués au crack. 3 heures, j'ai pété la craie. Comme des fous, on vit sans regret. Je veux que maman soit fière de moi. Chaque jour, mon âge, c'est la folie. Je vis sans savoir ce que je vais faire demain. Yeah, yeah, yeah, yeah. Obligé de rouler avant de m'endormir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Obligé de rouler avant de m'endormir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, je peux pas t'expliquer pourquoi je suis pas là. Oh là là. Oh, j'aimerais la laisser partir, mais je peux pas là là. Obligé de rouler avant de m'endormir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Obligé de rouler avant de m'endormir. Yeah.